commencé quand que t'es arrivé. Tout a commencé quand je t'ai regardé les yeux. On s'est embrassé, on a grandi, on se fait un petit. Puis là t'es parti, t'es parti. Tu m'as laissé avec un petit gars dans le même pays. Tous les deux ensemble dans le même bateau. Puis là le temps a passé, le petit a grandi, puis moi je suis là. Tous les deux ensemble dans le même pays. Mais moi je suis là. Tout a commencé quand que t'es arrivé. Mais moi je suis là. Tout a commencé quand je t'ai regardé les yeux. Mais moi je suis là. Je me suis rapproché, puis là je t'ai tout de suite aimé. Mais moi je suis là. Tous les deux ensemble dans notre château. Mais moi je suis là. Tous les deux ensemble dans notre chambre. Les étoiles ont brillé, les étoiles ont brillé. Puis moi je suis là. Les étoiles ont brillé, les étoiles ont brillé. Puis moi je suis là.